Se réveiller dans la lumière du jour avec un nouvel amour qui vous a colorié la veille la tête de baisers arc-en-ciel et s'endormir en sachant que demain il restera de ce matin quelque chose encore pour les autres jours incolores. Il s'appelait Jean-Marie Joseph, mais qu'importe dans ma tête le sourire de son corps, son souvenir s'offre encore. Et l'on prenait dans les grands seaux la glace pilée des apéros, et l'on s'embarbouillait les bras se disant des mots doux. Se réveiller dans la lumière du jour avec un nouvel amour qui vous a colorié la veille la tête de baisers arc-en-ciel et s'endormir en sachant que demain il restera ce matin quelque chose encore pour les autres jours incolores. Quand j'y pense, Marie-Joseph, mes chemins de croix, mes aventures, les plus douces et les plus dures, celles qui m'ont traversé la tête, mais c'est encore et toujours lui, ce bel Indien de Paris, ce doux Jésus au grand manteau qui me ferait marcher sur l'eau. Se réveiller dans la lumière du jour avec un nouvel amour qui vous a colorié la veille la tête de baisers arc-en-ciel et s'endormir en sachant que demain il restera de ce matin quelque chose encore pour les autres jours encore.